C'est une chambre où on n'y met plus les pieds. Un endroit vide, un peu abandonné. La porte est close, on a perdu les clés. C'est une chambre que l'on a oubliée. Je me souviens, parfois ça me revient. D'une pièce étrange, je contour incertain. La pluie qui bat. Cette chambre en haut de l'escalier, les murs s'affaissent, le chemin est bloqué, le sol est couvert d'un tapis de poussière. Dans cette chambre, il n'y a plus jamais d'air. C'est une chambre que personne ne range, un lieu hanté où l'on ne va jamais. C'est un coin perdu. Ma mémoire, c'est une chambre qui reste dans le noir. Jamais personne n'y dort. C'est une chambre où on n'y met plus les pieds, un endroit vide. Un peu abandonné, la porte est close, on a perdu les clés. C'est une chambre que l'on a oubliée.